Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et pour finir cette édition de Futur Simple, nous retrouverons Marie-Claude Dionne qui a fouillé ce que les fouilles archéologiques vont nous apporter comme découverte cette année. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir François. Oui, en effet, ce soir je ne parlerai pas d'amour et de sexualité. Je vais plutôt embarquer sur le sujet de sur quoi on peut s'attendre comme nouvelle dans le domaine de l'archéologie pour cette année, pour 2019. Et embarquons dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous souvenez de la découverte d'une salle qui se retrouvait à l'intérieur de la pyramide de Khéops? Tout à fait. J'en ai parlé il y a déjà plus d'un an. Et ce qui était intéressant de cette découverte-là, c'est que l'étude avait été menée, entre autres, par une équipe de chercheurs qui provient du Québec, plus exactement de l'Université Laval. Est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce qui avait été découvert à ce moment-là? Oui, en fait, on part du projet Scan Pyramids. C'est un projet qui se retrouve à faire l'exploration qui se veut non destructive de 4 pyramides en Égypte, dont celle de Khéops, la Grande Pyramide. Et ce qu'on sait, c'est que la structure interne des pyramides, elle est connue, mais que partiellement. Car les pyramides ont plusieurs chemins, ils ont des salles, il y a des fausses portes, il y a des passages qui mènent nulle part. C'est assez complexe comme forme. Et la pyramide de Khéops, c'est assez particulier car on va y compter plusieurs chambres secrètes. Certaines qui n'ont même pas de porte d'entrée, d'ailleurs. Oui. Et pour être en mesure d'étudier l'intérieur de ces pyramides-là sans pour autant les détruire, des murs ou faire tomber des portes. Il y a un groupe d'ingénieurs et de physiciens qui ont utilisé la radiographie par muons. Donc, c'est des particules cosmiques qui se forment lors du contact de rayons cosmiques à l'atmosphère terrestre. Et la particularité de ces particules-là, c'est qu'elles peuvent traverser la pierre et elle va perdre de l'énergie en le faisant. Et c'est là qu'on peut prendre la mesure du nombre de particules qui restent de muons qui va flotter dans un certain objet à partir, qui partent de la même direction. Et là, c'est les chercheurs de Scan Pyramids qui ont été capables de calculer la densité de cet objet-là et le cas présent de la pyramide de Khéops. On parlait d'une salle vide. Et est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis que tu nous en as parlé, Marie-Claude? Bien, rien à proprement parler sur la salle secrète. Toutefois, les pyramides, c'est sûr, on le sait, ça recèle encore beaucoup d'énigmes, comme leur construction. À l'automne 2018, il y a un vieux système de rampe qui a été mis à jour à Atnob, qui est une carrière d'albâtre en Égypte, qui est vieux de 4500 ans. Et le système comprend des traîneaux, des pentes et des cordes aussi. Et on va retrouver sur chacun des côtés des escaliers, des trous de poteaux. Et des poteaux qui, on croit, devaient servir à attacher des cordes afin de lever plus facilement les gros blocs d'albâtre qu'on faisait sortir de la carrière. Donc, il est fort possible que les anciens Égyptiens aient utilisé cette technique-là afin de monter bloc par bloc toutes les grosses pyramides comme on les connaît. Mais pour revenir à notre salle, ou du moins le vide qu'on connaît dans la salle de Khéops, il y a des tests additionnels qui ont eu lieu l'année passée en 2018. Donc, on peut s'attendre à avoir des publications de quelques rapports préliminaires. Il y aura peut-être lieu d'avoir une nouvelle conception aussi de cette salle-là. On va peut-être découvrir qu'il y avait des objets à l'intérieur. Car à ce jour, on connaît même pas exactement quelle était la fonction, si c'est réellement une salle, bien entendu. Et est-ce que l'Égypte peut encore nous surprendre et nous révéler de nouveaux vestiges, à ton avis? Ça, c'est pas mal assuré. D'ailleurs, en 2013, il y a quelques années, des archéologues avaient trouvé un lot de papyrus près de la mer Rouge qui datait aussi de la construction de la pyramide de Khéops, donc aux alentours de 4500 ans, donc la date du règne du pharaon Khéops. Et il y a des études préliminaires qui ont relevé que les papyrus contenaient un registre appartenant à un inspecteur du nom de Merer qui dirigeait une équipe qui a aidé d'ailleurs à la construction de la pyramide de Khéops et aussi d'autres projets de construction en Égypte ailleurs. Et jusqu'à présent, il y a une infime seulement partie du registre qui a été décodé et analysé parce que c'est pas en anglais ni en français. Et donc, peut-être qu'on peut avoir en 2019 d'autres sections de ce papyrus-là qui va être déchiffré et qui pourront nous être rendus publics aussi. Quoi qu'on n'en parle pas de vestiges archéologiques ici, même si c'est des nouvelles informations, ça peut quand même nous mener à d'autres sites archéologiques qui sont perdus, cachés, nous faire connaître des nouveaux éléments de la civilisation antique égyptienne. Et on peut s'attendre à quoi d'autre? Ben, en 2017 et aussi en 2018, l'année dernière, il y a eu plusieurs découvertes de grottes et de cavernes à Karam dans le désert de Judée, encore une fois en Égypte. Et on a découvert que ces cavernes-là et ces grottes-là avaient déjà été pillées, donc avaient déjà été visitées dans le passé. C'est sûr qu'en soi, c'est une triste découverte, ouais. Mais les archéologues sont plutôt optimistes dans cette découverte-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Karam, on a trouvé au milieu du 20e siècle les manuscrits de la Mer Morte qui avaient été dispersés et retrouvés à l'intérieur de 11 différentes cavernes. Et c'est des manuscrits qui datent d'il y a 2000 ans et qui comportent des passages de l'Exode et de la Genèse. Et c'est des manuscrits qui ont été retrouvés à l'intérieur de vases à l'époque. Et c'est cet élément-là qui est assez important aujourd'hui avec la découverte de ces nouvelles séries de cavernes, parce que même si les archéologues n'ont pas retrouvé de nouveaux fragments de manuscrits à proprement parler, ils ont découvert des vases et qui ont donc, on croit, contenu des papyrus. Et aussi, il y avait des exemplaires de courroies en cuir, il y avait différents morceaux de tissu, puis aussi des papyrus vierges, donc il n'y avait pas aucune écriture dessus. Et c'est des items qu'on croit qui auraient pu être utilisés pour entreposer d'autres manuscrits. Donc aujourd'hui, les archéologues, ils poursuivent leur recherche à découvrir d'autres séries de cavernes, de grottes, pour voir s'il n'y aurait pas des artefacts qui pourraient être découverts suite à ça, et peut-être d'autres fragments des manuscrits de la Mer Morte, si on veut, mais peut-être même d'autres écrits aussi. On s'attend aussi à retrouver cette année un immense lot d'environ 1400 tablettes qui affichent du cunéiforme, mais qui proviennent de ce cas-ci d'une ville antique qui est aujourd'hui perdue. Et de quelle ville est-ce qu'il s'agit? De la ville d'Irissagrig. C'est une ville sumérienne, donc on parle de la Mésopotamie, qui est aujourd'hui située en Irak. Elle aurait été peuplée il y a plus de 4000 ans, donc c'est quand même une assez vieille ville aussi. Une ville qui aurait été située sur les abords d'un ancien méandre de la rivière du fleuve Tigre. Et en fait, on connaît son existence aujourd'hui grâce à des anciens textes qui proviennent de d'autres sites archéologiques mésopotamiens. Donc on est sûr qu'elle a réellement existé. Et à l'heure actuelle, les archéologues ne connaissent pas exactement la localisation de cette ancienne ville-là. Par contre, avoir le nombre de tablettes d'origine qui sortent et qui affichent des textes administratifs qui appartiennent à cette ville-là, c'est à croire qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde qui connaissent exactement la localisation de cette ancienne ville-là. Et c'est sûr que depuis toujours, les artefacts qui sont retrouvés de façon illégale, il y en a partout à travers le monde, et ils peuvent aussi se retrouver en vente et ils sont très recherchés. Donc, on parle de forts prix, et les collectionneurs privés qui, eux, ont des sommes pour les acheter, bien, ils veulent pouvoir se vanter d'avoir en leur possession des vestiges archéologiques anciens et qui devraient peut-être plutôt se retrouver dans des musées. C'est donc ce qui se passe avec cet énorme lot? Exactement. On pense qu'il y a des collectionneurs qui les ont recherchés. C'est donc l'information qui circule présentement. Encore l'année dernière, il y a une chaîne de magasins Hobby Lobby aux États-Unis qui a été prise en flagrant délit pour avoir justement acheté quelques tablettes. On parlait de 200 tablettes sur le marché noir qui provient justement de cette ville-là antique d'Irissagrig. Donc, il est fort possible que ce gros lot des 1400 tablettes soit arrivé en même temps aux États-Unis. Et qui aurait été acheté par une autre personne. Ce qui est dommage, c'est sûr qu'en ayant des vestiges comme ça qui sont éparpillés à travers le monde, bien, c'est dur de les étudier. Hein. On ne peut pas en apprendre davantage sur cette ville-là autant que d'autres informations qui pourraient circuler. C'est sûr qu'il y a parfois de la douane qui va réussir à déjouer les malfaiteurs qui essaient de les vendre dans le marché noir et qui vont mettre la main sur les vestiges qui ont été pillés ailleurs. D'ailleurs, l'année dernière, il y a un professeur de l'Université de Yale qui a reçu l'appel du ministère de la Sécurité intérieure pour venir rapidement faire traduire quelques tablettes qui provenaient d'Irak. C'est sûr qu'on arrive à les faire passer de façon un peu malfaisante en disant sur l'emballage que c'est des petits morceaux de céramique qui valent tout au plus 300 $ et qu'on veut revendre sur le marché américain. Il est fort possible, et c'est bien ça qui est dommage, là, que ce petit tour de passe-passe-là arrive partout sur la planète, même aussi au Canada. C'est ça. On peut tout de même se garder peut-être un petit brin d'optimisme dans tout ça pour les découvertes archéologiques en 2019, parce que l'archéologie telle que je vous la partage dans ces dernières années, ça ne cesse moi-même de me surprendre. Là. Il y a des découvertes toujours extraordinaires. Donc, je sais qu'il va y avoir encore des merveilleuses découvertes cette année. Chacune d'entre elles vont apporter d'ailleurs leur lot d'informations et qui mériteront en fait d'être explorées ici ensemble à l'émission À Futur Simple. Et on va suivre toutes ces découvertes avec passion et curiosité avec toi, Marie-Claude. Merci, François. Merci beaucoup.